ラスには私は今時お堅いの紫色したタバコの煙今夜も寂しく飛ばしてるわ Dancing baby cause now we realize what love can do. Cause now we realize what love can do. What love can do. Love can do. Oh, love, oh, love. mariage, je promets renoncer aux balades. Ces pavés parcourus toute la nuit au lendemain. Toutes ces filles que j'ai jadis connues, je les bêche. Pour lequel tu mets ta robe blanche, dans tes yeux je me mire. Cette main que j'accroche à ta main, je voudrais voir cette bague que j'ai mise à ton doigt. Je t'admire. Personne, puisqu'à moi tu as confié ta vie, la mienne je te la donne. Et ce voile au-dessus de ta robe, je voudrais dire, cet ensemble à côté de ma veste, tout m'enchante. Fini mes aventures, je voudrais à présent chanter pour toi seul, adieu tous mes soucis, fini amour frivole, destiné aux débauches qui m'entraîne au gâchis.

Seta seta, jerkes desa, seta seta, šata vneca, seta seta, jesem laikes besa, jej, jej, jej, jej, seta seta shat choretza seta seta mda hokvetza seta seta yes lai kes besa ovim seta seta Nazmi ener Oxirelis Yes chem uzer Fortun de gris Al bay sage Me kom tske In zi hamar Yer tumre Seta seta Yer kes desa Seta seta Shata meza Seta seta, yes, like es pesar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seta seta, shat choretza. Seta seta, me da hofetza. Seta seta, yes, like es pesar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seta seta, shat choretza. Seta seta, me da hofetza. Seta seta, yes, like es pesar. Thank you. Thank you.